Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et on change complètement de sujet pour entrer dans une technologie qui va peut-être révolutionner les procédés industriels ou même voir notre vie à la maison. L'imprimante 3D pour trois dimensions. Alors, c'est notre chroniqueur 100% chimique qui nous en parle. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour François. Alors aujourd'hui, je déroge un peu de ma thématique de la chimie pour vous parler d'une application ou d'un remodelage de produits inventés par les chimistes. Alors aujourd'hui, François, on va parler de comment fabriquer soi-même à la maison son propre sifflet, sa propre tasse de café ou même éventuellement son propre vélo, par exemple, et ça sans trop d'efforts. Uh-huh. Alors tout ça va bientôt être possible ou l'est déjà grâce à une technologie littéralement révolutionnaire, l'impression 3D. Alors, l'impression en trois dimensions, ça fait d'ailleurs partie cette année de plusieurs des top 10 de technologies émergentes, de plusieurs prestigieuses revues de vieilles technologiques, en plus de faire partie du Forum économique mondial, une des principales technologies en vue par les leaders politiques et intellectuels mondiaux. Mais Jean-Daniel, comment ça fonctionne, une imprimante 3D? Il y a plusieurs modèles, mais disons que le plus commun et peut-être le plus abordable est un appareil qui va pousser le plastique, du plastique fondu par un trou. Le plastique va par la suite durcir rapidement, mm-hmm, et on l'ajoute couche par couche. Donc, c'est une sorte, si on veut, d'imprimante en deux dimensions, mais qui ajoute une couche par-dessus l'autre pour dessiner en trois dimensions un objet. Donc, on a un ordinateur qui a été programmé, lui, pour mettre le plastique aux bons endroits pour fabriquer notre objet. Est-ce que tu as une idée un peu de l'épaisseur de chacune des couches ou grosso modo? C'est très très mince. Je pourrais pas dire à quel point, peut-être quelques millimètres environ, ouais, mais c'est pas c'est pas particulièrement épais. Est-ce que ça pourrait même être plus mince qu'un millimètre ou Ça pourrait être plus mince qu'un millimètre, effectivement. Là, oui. Ok. Alors j'imagine qu'on prend pas n'importe quel plastique pour faire ça non plus. Mais non, c'est ça. On a besoin de plastiques spéciaux. Et ça, c'est un peu la partie chimie de cette technologie-là qui est un peu plus ma partie. C'est des plastiques qui ont tous la caractéristique d'être thermosensibles. Okay. C'est-à-dire qu'ils vont fondre à la chaleur fournie par l'appareil le plastique va ensuite se solidifier et se refroidir. OK. C'est nécessaire, évidemment, pour ajouter une autre couche par-dessus. Là. Absolument. Exactement. Donc, il existe des dizaines de plastiques qui ont leurs propres caractéristiques. Certains sont plus ou moins résistants. Le plastique un des plus utilisés, en fait, est le polycarbonate, ce qui est le plastique numéro 7. C'est celui qui sert, entre autres, à fabriquer les CD, les DVD, mm-hmm, puis certaines composantes de voitures, entre autres. Et des ingénieurs se chargent de prendre ces plastiques puis de les mettre au bon endroit? Oui, l'impression 3D intègre bien sûr là, pas mal d'ingénierie et de physique pour l'appareil qui va placer le plastique comme tel aux bons endroits, mais aussi d'informatique pour les programmes de design, uh-huh, et l'interface facile d'utilisation. Alors, c'est bien prometteur pour le futur, mais en fait, comment ça nous touche aujourd'hui? C'est surtout une technique d'avenir, mais déjà des applications autour de nous aujourd'hui. Par exemple, récemment, il y a un patient américain qui a vu 75% de son crâne endommagé être réparé par une imprimante 3D. Donc, cette nouvelle méthode-là utilise un polymère biocompatible. Ça a été approuvé par la Food and Drug Administration américaine et bientôt, les patients de partout à travers le monde pourraient bénéficier de cette nouvelle technique-là pour réparer des crânes. Mais c'est pas n'importe quel matériau qu'on utilise. Là. Non, absolument pas. C'est vraiment des plastiques très, très spéciaux. Okay. Il y a même plus récemment une équipe écossaise qui a réussi à imprimer des cellules souches. Ah, ouais? Littéralement, oui, à l'aide d'une imprimante 3D. Donc, ils ont réussi à positionner les cellules à des endroits précis avec l'imprimante. Puis par la suite, on peut penser donner une cascade de signaux à ces cellules-là pour reproduire des organes en laboratoire. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu plus loin de nous, mais qui va être possible dans quelques années peut-être. OK, mais jusqu'à maintenant, tu nous as parlé seulement des choses qui sont utilisées aux scientifiques plus ou moins à la maison. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que, en fait, ça va surtout être utilisé en science? L'impression 3D, oui, c'est utile pour les scientifiques, mais c'est déjà, François, dans nos écoles secondaires. Ah oui? Oui, effectivement, donc comme dans celle du Collège des Compagnons, où travaille mon invité de cette semaine, Guillaume Paré, qui en connaît d'ailleurs plus que moi sur les imprimantes. Alors, bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors, Guillaume, tu es enseignant en sciences au Collège des Compagnons. Alors, je suis curieux, moi, comment vous est venue l'idée aux compagnons d'acheter une imprimante 3D? Bien, en tant que prof de sciences, j'ai reçu une invitation pour participer à un concours de construction de voitures qui devait être imprimée par une imprimante 3D. D'accord. J'ai cherché les imprimantes autour de nous autres pour faire imprimer les voitures, puis on me demandait jusqu'à 350$ pour imprimer une voiture de 15 cm. C'est pas négligeable pour une école où les budgets sont souvent très serrés. Et qu'on va envoyer cette facture-là aux élèves, donc ça n'a comme pas de sens. Et un jour, la commission scolaire via mon école me demande, t'as-tu un projet flyé en sciences? Ben, je dis, si j'avais une imprimante 3D, on pourrait participer à ce concours-là, puis faire participer toutes les écoles de la commission scolaire. Ben, ça a pris 2 semaines, puis on avait une imprimante 3D, on avait acheté une imprimante. Et avec cette imprimante-là que vous avez finalement achetée, on en a déjà parlé brièvement de quelques-unes de leurs applications, mais vous, dans votre école, à quoi ça a pu servir cette imprimante 3D-là? Ben, au début, pour s'approprier son fonctionnement, on a construit des pièces qu'on achetait à l'extérieur habituellement, et en les imprimant, ils nous revenaient moins chers. Donc, d'accord. En science, on a acheté des roues, on a produit des roues, on a produit des poulies, on a produit des cams, on a réparé des pièces qui étaient brisées. Par exemple, on avait un grand cylindre gradué qui vaut 225$, que la base était brisé, ben pour 1,5 à 2 piastres de plastique, on a été capable de réparer ce cylindre gradué-là au lieu d'en acheter un nouveau. C'est fascinant. Et une des choses qui est intéressante, particulièrement pour les écoles, c'est que les fichiers informatiques qu'on utilise pour ces imprimantes 3D-là sont assez facilement disponibles sur Internet, hein, si je ne me trompe pas, Guillaume. Oui, ils sont très facilement disponibles. Il y a une énorme communauté qui partage tous ces fichiers-là. Par exemple, une chose qu'on a fait imprimer, quand notre imprimante a commencé à moins bien fonctionner, on a pu imprimer des parties d'imprimante pour faire nos réparations nous autres mêmes. Imprimer une imprimante, littéralement. Exactement. C'est fascinant. Je suis curieux, tu me dis que vous sauviez beaucoup d'argent avec tout ça, donc... Quels sont les coûts approximatifs d'une imprimante 3D? C'est abordable pour le commun des mortels, ça? Ben, de plus en plus, oui. Présentement, la prochaine imprimante qu'on est en train de s'acheter parce qu'on achète une deuxième, elle coûte aux environs de 1 000$. Si on va dans le professionnel, on peut aller chercher jusqu'à 20 000$, mais pour 1 000$, présentement, on a une bonne imprimante. Donc, c'est abordable pour une école secondaire moyenne, je dirais. Là. Oui. Puis, il y a beaucoup de plus en plus de particuliers, comme vous disiez au début de l'émission, qui commencent à en acheter. OK, c'est fascinant. Et quels sont à l'école, au Collège des Compagnons, vos projets futurs? Je sais que c'est assez récent, cette imprimante-là, mais je crois que vous avez pas mal d'idées de ce que vous allez faire avec ça. On a commencé déjà, puis les élèves nous fournissent en demande. C'est ça qui est intéressant. Par eux exemple? Autres, ils en ont beaucoup de demandes. On a eu des élèves qui ont construit des autos qui fonctionnaient avec des élastiques. C'était un défi qu'on leur donnait. Au lieu de la construire, ils l'ont designé avec un logiciel 3D, ils l'ont imprimé. En mathématiques, on a fait un projet de construction de bouteilles de parfum qui avait un volume exact, on a imprimé nos plus belles bouteilles qui avaient été sélectionnées par les élèves. Wow. Présentement, donc les élèves, pour rester avec les bouteilles de parfum, oui. Donc les élèves ont pu, après ça, passer avec leurs bouteilles, mettre leur propre parfum dans leurs bouteilles. Si vous voulez, un oui. Volume très précis. Oui. Exactement, on demandait 50 millilitres, il fallait que ça donne exactement 50 millilitres à l'intérieur de la bouteille. En quatrième secondaire, on fait un projet où est-ce que les élèves doivent construire des centrales électriques. Okay. Donc, soit une éolienne, soit une centrale hydroélectrique. Donc, un modèle réduit pour produire de l'électricité. Et qui doit être fonctionnel. Okay. Ah, oui, on va mettre okay. Un ventilateur où on va faire couler de l'eau. Et les élèves ont imprimé des hélices pour les éoliennes ou des pales pour faire les turbines. De la centrale hydroélectrique avec ça. Ah, wow, c'est fascinant. Puis même, je pense que ça pourrait servir... pour l'école comme telle, pour des objets promotionnels, par exemple. On est en train d'imprimer présentement des sifflets qui fonctionnent avec le logo de l'école dessus. Quand on fait la tournée des écoles primaires, on donne ça aux jeunes du primaire. Comment ça fonctionne? On imprime un sifflet... On imprime le sifflet au complet et la petite bille qui est à l'intérieur qui fait le son, la variation de son, ben est imprimée elle aussi. On rentre un tournevis, on casse cette bille-là et on peut siffler dedans et ça fait exactement comme un sifflet qu'on achète au magasin. Et ça peut prendre combien de temps s'imprimer un sifflet comme ça? Ouais. Un sifflet tout seul, c'est pas vraiment long, c'est environ une demi-heure, trois quarts d'heure, mais on en met plusieurs en même temps vu qu'on en a besoin de plusieurs et c'est ça qui est intéressant. Wow. Et peut-être une dernière application. Je sais que vous avez des élèves qui parlent d'imprimer un trophée pour un gala. On a un festival du film à l'école et les élèves se sont donné comme défi cette année d'imprimer les Oscars, si on veut, qui vont être remis à la fin. Et ils sont vraiment allés au complet dans le design 3D. Ils ont trouvé un logiciel qui permet, à partir de photos qu'on peut prendre de tout le tour d'un objet, de le transformer en dessin 3D et de pouvoir l'imprimer. Et quel objet ont choisi les élèves cette année? Présentement, on est encore en train de développer, là, mais l'idée qu'ils ont, ça serait de photographier un élève. On l'appelle Adam dans la classe. et on photographierait Adam de tous les tours et on remettrait des Adams à notre festival. Donc après les Oscars, on aurait maintenant les Adams. Exactement. Alors, si je comprends bien, le fait de photographier en plusieurs dimensions, c'est comme numériser finalement ce qu'on veut reproduire. Le 3D, exactement. L'ordinateur, lui, va calculer à partir des ombres, comment que les morceaux se mettent ensemble et il va faire le dessin 3D de la surface avec ça. Mais est-ce que ça existe, un numérisateur 3D? Oui, ça existe. Okay. On a des compagnies qui travaillent là-dessus, surtout au niveau de la biologie médicale, qui ont besoin d'items comme ça. Et je pense qu'en terminant, peut-être une dernière application, en fin de semaine, vous avez des élèves qui ont déjà eu à utiliser vos imprimantes 3D pour un projet. Hein? Oui, en fin de semaine, c'est l'Expo Sciences Bell à l'Université Laval, et on a des élèves qui ont imprimé un tapis de souris pour une souris sans fil, mais que la souris sans fil n'ait pas besoin d'électricité, pas besoin de batterie. C'est le tapis qui va fournir l'électricité à la souris par induction. Et ils ont tout monté ça dans un tapis qu'ils ont imprimé eux-mêmes et qu'ils vont présenter à l'Expo Science. C'est fascinant. Wow. Ben, c'est fantastique. Alors, merci beaucoup, Jean-Daniel, et merci beaucoup, Guillaume Paré, de nous avoir parlé de cette nouvelle technologie-là. Alors, de notre côté, on va passer en publicité sur CKRL et on va vous revenir après avec Bruno Gaillet qui va nous parler de cellules souches.